que des hommes. J'essaie d'être simple sur la vision de la vie, pas de prévision ni de préavis. Je dis ce que je pense, là, ça me joue des tours, mais comment rester zen? Dans ma zone, perpétuel schéma, rien ne change. C'est évolué dans le strict, dans le stress. Ma femme un peu, est-ce que je les compresse? Mais il en faut plus, je t'assure bien plus. Personne n'est à l'abri, dès l'après, trop de fil d'hiver. Mais comment me taire? Fermer les yeux, je peux pas, c'est mon instinct man, est-ce que tu me suis? Mélancolie de poète. Comme dirait Dark, si tout me saoule, je le fais sentir parce que je n'ai pas qu'envie de paraître. Moi, rien qui me parraine, la rue, ça ruse. Un mélange crâne, j'ai mal au crâne quand l'univers dégrade, quand mon ego se froisse. Je reconnais ma part d'erreur, je ne suis qu'un homme. Et mec, ma foi m'a dit l'âme. Que Dieu me préserve, qu'il m'avoie. Et pas que le jour du dimanche. Disons ça, parce que moi, fait la vie, elle a mis. Bien heureusement, pas qu'une conscience dans ce monde, elle a mis. La fait m'appeler comme amant. Des awa, peu de joie, je penserai chaque jour. Une vision alarmante, une vision saine, parce que moi, fait la vie, elle a mis. Pas de mort sans aide, d'amour sans haine. L'équilibre, ce que je t'ai dit, hey. Le vrai combat. Laisse-moi libre, je reconnais ma part d'erreur, je ne suis qu'un homme.